Comment se fait-il qu'à 19h55, M. Emmanuel Macron totalisait 13 697 235 voix, Madame Le Pen 13 899 694 voix, et par rapport à ces voix, bizarrement, nombre de voix moins important pour M. Macron, le pourcentage 58,5%, et pour Mme Le Pen, 45,5%. Alors bien sûr, après ça a été existé, ça a été expliqué plus exactement, le logiciel a eu un bug. Ben non, pas aujourd'hui, non. Et s'il y a un bug, eh ben on reprend tout à zéro. Nous refusons de reconnaître M. Macron comme étant le président de la République. Afrique Média, le monde, c'est nous.